Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette question, c'est de l'avoir jeté des passerelles entre des termes explicitement conçus pour se distinguer l'un de l'autre. C'est amusant quand même. Alors, on peut se poser des questions sur ce que c'est qu'un MJ. Il y a plein de définitions différentes et elles se recoupent toutes un petit peu d'ailleurs de manière générale. Moi, ce que je propose, c'est de partir des oppositions au statut de MJ. Parce que l'opposition, elle pose toujours un rapport au monde. Elle part du principe qu'il y a une réalité. Sinon, elle pourrait pas la nier. Et du coup, en regardant bah, ce que disent les propositions alternatives à la présence d'un MJ dans la partie, on devrait pouvoir être capable de caractériser les bases du MJ. Du coup, les deux principales oppositions que je retiens, moi, pour le rôle du MJ, c'est d'un côté l'improvisation et de l'autre la narration partagée. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Bah, l'impro, elle va revenir sur tout ce qui est préparation de la partie. Parce que bah, ce qu'on improvise, par définition, c'est de l'actuel, c'est du présent, c'est de l'immédiat. Du coup, il n'y a pas cette idée d'antériorité de la création de que ce soit de l'univers ou du scénario. Du coup, on peut partir du principe qu'il y a des degrés dans cette improvisation. Mais le fait est que voilà, ça nie principalement la préparation. De l'autre, il y a la narration partagée. Et déjà, on voit bien que les deux se recoupent. La narration partagée, elle, il me semble qu'elle revient avant tout sur le rôle prédominant du MJ dans la narration. Ça veut dire que cette fois, les joueurs peuvent s'impliquer, peuvent participer à une marge de l'aventure qui était normalement réservée au MJ. Alors évidemment, dans ces deux propositions alternatives, on peut mettre des degrés, on peut mettre des variants. Le but n'est pas de dire que l'improvisation revient uniquement sur la préparation et ne rentre pas dans le cadre du partage de narration, parce qu'on sait que lorsqu'un MJ improvise, il a tendance à se nourrir des propositions des autres joueurs. De même, dans le partage de narration, on a tendance à utiliser de l'improvisation et même sans ça, à ne pas avoir tous les éléments prévus de base, donc ça nie une partie de la préparation aussi. Mais bon, c'est l'idée générale. On a au moins ces deux gros points qui sont théoriquement l'apanage du MJ. Dans les deux cas, donc dans ces deux alternatives, on remarque également que le MJ se rapproche des joueurs. Ou plutôt que c'est le contraire, que en donnant de ses prérogatives aux joueurs, les joueurs se rapprochent du MJ. Enfin, le MJ fait que ses joueurs se rapprochent de lui. Bref, vous m'avez compris. Du coup, il y a une forme de nivellement entre ces deux instances, entre ces deux types d'instances. Et ce nivellement, il est très important lui également. Parce qu'il montre que, à la base, les deux instances ne sont pas sur un pied d'égalité. Sinon, il ne pourrait pas y avoir de nivellement, il ne pourrait pas y avoir de rapprochement, en fait. Du coup, ça suppose que le MJ a un statut autre. Mais jusque-là, ça doit pas être très étonnant, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui est récurrent dans toutes les théories qui posent la place du meneur. Et ce statut isolé du meneur, il rappelle d'autres fonctions dans d'autres médias, comme celle du metteur en scène par exemple, ou du réalisateur. Toutes ces fonctions ont en commun d'être à la fois créatrices de l'histoire et en dehors de celle-ci. Et je crois que le meneur va dans ce sens en fait. Parce que sa charge est très lourde à la base. Si on prend juste la charge de la préparation d'une part et de la bonne tenue dans le sens de la direction de la partie d'autre part, bah, déjà c'est quand même un gros morceau. Et ça implique bah, une certaine indisponibilité à ressentir, ou plutôt à s'investir. Donc même si on se donne à fond, hein, c'est pas la question quand on est MJ. C'est plus que, vu que l'implication dans l'aventure, dans la préparation de l'aventure, dans la bonne tenue de l'aventure est très élevée, bah, le maître de jeu semble moins disponible pour profiter des émotions immédiates qui pourraient naître de la partie. Disons que ça a tendance, je pense, hein, à le mettre dans une position plus d'analyste critique. Et le fait qu'il soit toujours en réaction, donc prêt à réagir aux impulsions des joueurs, à leurs sentiments, à essayer de les pousser dans une direction, je pense que ça participe aussi de ce côté-là. Et tout ça me fait dire que le joueur ne joue pas au même jeu que son meneur, ou que sa meneuse d'ailleurs. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Wenlock l'avait sorti également dans les carnets ludographiques. Je crois que c'est le numéro 6. Ça devait être la deuxième partie de l'art d'être joueur. Et il disait du MJ que c'était un joueur, mais pas comme les autres. Et effectivement, si jamais on joue pas au même jeu en tant que MJ, en tant que joueur, bah oui, on est joueur, mais pas comme les autres. Alors ce serait quoi ce jeu du MJ? Ben, je pense que c'est un jeu avec son public, à la manière d'un scénariste en fait. Quand on est scénariste, on va balancer des clins d'œil, on va proposer des pistes à son public, on va essayer de le faire se hyper pour tel ou tel enjeu de la narration. Ben là c'est pareil. Sauf que bah le MJ, il a cet avantage de voir directement les réactions des joueurs, de les voir immédiatement. Et ça change tout quand même. Parce que ça lui permet de s'adapter, ça lui permet de faire plein de choses. Mais on comprend bien pourtant que, sauf bah, à penser des cadres, des dispositifs différents de ceux qu'on entend traditionnellement par meneur, donc par exemple la narration partagée ou l'impro, bah définitivement on n'est pas sur le même plan. Donc si je devais donner une réponse, bah non, le MJ n'est pas un joueur comme les autres. Et pourtant on s'amuse comme MJ, on s'amuse.